Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bon matin à tous, mes petits snorkiens. Bienvenue chez Papa Cassette, épisode 65. Un snorkien, c'est quoi ça dans le fond? Vous écoutiez peut-être, si vous avez eu une enfance heureuse, seulement si vous avez eu une enfance heureuse, vous avez écouté quand vous étiez jeune les snorkies. Les snorkies, c'est comme des schtroumpfs de sous la mer. Et puis, donc au lieu de dire schtroumpfer, ils disaient snorkier, snorkier, ils disaient tout le temps snorkier. C'était des petits bonhommes, là, miniatures, grosseur schtroumpf, avec un genre de tube sur la tête qui est propulseur, qui faisait des bulles. Et puis, Pipo, ben Pablo, là, celui qui est vert et qui ne sait pas parler, il faisait tout le temps brum, brum, avec ça, puis c'était malade. Alors, c'est ça, au lieu de dire schtroumpfer, tout est bien qui schtroumpfe bien, c'est tout est bien qui finit snorkien. Alors, il utilisait ça pas mal. Et puis, si vous voulez retrouver ça aujourd'hui et savoir exactement de quoi je parle en ce très bizarre épisode, ce très étrange début d'épisode, en anglais, c'est de snorks, comme c'est un diminutif de snorkel. Donc, c'est des snorkels là, qui ont ça à la tête snorkels, de snorks, snorks. Alors, allez voir ça. Fait que, à l'image de ce qui vient de se passer, le spectacle d'aujourd'hui va être assez déconstruit parce que j'ai pas vraiment de plan. Je vais juste dire n'importe quoi pendant une heure et quelques. Alors, souvent, ça donne les meilleurs résultats. Alors, on verra bien. On est mercredi matin, 8h10. J'en profite pour faire ça ce matin alors que ma maison est vide. Ça, c'est merveilleux. Parce que mon plus vieux, il joue au hockey. Il a du sport-études hockey, mais juste 3 fois par semaine maintenant à cause de la COVID. Et puis, il n'est pas là le lundi, mercredi et jeudi. Sinon, les 2 autres matins, il est ici jusqu'à 9h30 à peu près. Là, puis, je sais qu'il écoute, là, puis ça me déconcentre. Il n'y a personne et puis, j'en profite. On est le lendemain de veille de Rétro Nouveau. Rétro Nouveau est enregistré hier, l'épisode 185, je pense. Laissez-moi checker ça un instant. Oui, Rétro Nouveau a enregistré l'épisode 185 hier soir. Et puis, donc, on reprend le rythme normal, c'est-à-dire aux 2 semaines, à partir d'aujourd'hui. Bien sûr, toujours sous format à distance, Discord et tout et tout. Donc, merci à tout le monde qui sont venus et qui ont jasé avec nous, de 30 à 50 auditeurs environ. Merci à Sensato qui nous a raidé, très, très gentil. Très gentil Sensato. Et puis, voilà, donc je suis un petit peu... je me suis même pas couché tard, hein, vu qu'on essaie de... On essaie de respecter un 2 heures de show à peu près. Ça dépasse tout le temps un peu, mais c'est pas si pire, là. Puis vu qu'on le fait dans la maison... C'est pas comme si on partait d'une place pour revenir en char dans la neige pis tout. Fait que quand même, 2 bières, on couche un petit peu plus tard que d'habitude, mais pas trop pire. Mais j'ai du beau café ce matin dans ma tasse à télévision. Ma grosse tasse à télévision. Check ça, comment je suis bien dressé, toi. T-shirt Sony PlayStation. Tasse à télévision. En arrière de moi, dans le background, boîte Atari Jaguar. Et boîte Game Boy, les consoles. Fait que là, j'ai Sony, j'ai Intellivision, j'ai Atari, puis j'ai Nintendo. Ah, puis voyez-vous, au-dessus de ma boîte Jaguar, en arrière, de quoi qui dépasse? Une boîte Coleco, trois choses. Alors, j'ai toutes les compagnies, là. Il manque du Sega, par exemple. Mais, ouais, puis du Xbox, ça, il n'y en aura jamais ici. Fait que voilà, hein, j'ai tout. Pas parce que Xbox c'est pas bon, hein, c'est parce que j'en ai jamais eu, puis je suis pas là-dedans. Game Pass, par exemple, c'est tout. Et puis, ouais, parlant de Game Pass, je joue présentement à Cyber Shadow, comme beaucoup de monde, et puis j'en ai pas... Puis tout le monde joue sur Game Pass. Moi, je l'ai acheté sur Switch, et puis, parce que je voulais y jouer Day One, et puis je vais, bien sûr, quand ça va sortir en physique, je vais l'acheter aussi, puis je vais mettre ça sur mes tablettes et ne jamais l'ouvrir, comme tous les jeux que je veux vraiment jouer à l'instant. Et puis qui sortent en physique des mois plus tard. Panzer Paladin, ça va être la même affaire. Donc, j'ai fait une critique très complète de Cyber Shadow à Rétro Nouveau hier. Là, on est mercredi le 3 février. L'épisode de Rétro Nouveau 185 va être disponible aujourd'hui. Donc, quand je vais arrêter d'enregistrer ça ce matin, sûrement que Rétro Nouveau va être disponible. Mon show d'aujourd'hui, je vais sûrement le publier demain, parce que j'aurai pas le temps aujourd'hui. Vous, j'ai travaillé. Alors, vous écouterez ça. Écoutez Rétro Nouveau, les amis. Il y en a pour les fous puis les fins. On fait ça depuis 2011. On a fait des affaires, my God. Alors, mais je vais quand même juste mentionner ici pour Cyber Shadow que c'est un jeu de ninja. Très, très, très basé visuellement et atmosphériquement sur Shadow of the Ninja au NES. Il faut pas le comparer à The Messenger, la différence, l'affaire, c'est pareil, c'est que c'est deux ninjas. Mais il n'y a pas de Metroidvania dans Cyber Shadow. Tu peux revenir, mais t'es pas obligé, tu peux faire ça linéaire. Fait que très beau jeu de ninja dans une ambiance post-apocalyptique, industrielle, là, très... très lourde, là, très coupante, et puis beaucoup de boucanes, et puis beaucoup de pollution, n'est-ce pas? Et puis des moves très badass, donc non, c'est plaisant. Je pensais aimer ça un petit peu plus. Vers la fin, ça devient pas mal difficile. Là, je suis rendu au boss de fin, du moins je pense, là, il y a vraiment l'air du boss de fin. Et puis il y a beaucoup de... chaque niveau est séparé en segments de... à partir desquels il y a plusieurs checkpoints, donc des save points par niveau. Et puis, tu peux passer beaucoup de temps d'essayer de te rendre, de recommencer, de te rendre au prochain checkpoint. Là. Tu sais, c'est un peu une course de même, où est-ce que tu finis par catcher le pattern de comment c'est fait, où est-ce qu'il faut que tu passes exactement en faisant quelle attaque. Donc, c'est vraiment un jeu bâti là, en prévision du speedrun. C'est un jeu bâti... Si tu maîtrises bien les skills que tu acquiers, tu vas passer à travers des sections de jeu-là comme si c'était rien, là, tu sais, puis... mais les skills sont pas si faciles à master, laissez-moi vous dire. Donc, c'est ça, j'étais dedans, full pin, puis là, je me suis mis à être un peu rebuté par la difficulté, mais j'y suis, là, je vais finir ça, peut-être même je vais finir ça tantôt, avant d'aller travailler. Qui sait? Ou peut-être à soir. Mais les Canadiens jouent à tous les soirs ces temps-ci, alors j'ai pas le temps, là, tu sais. Et puis, comme mon ami Martine dit que je suis un jock, moi, j'écoute le hockey. Et c'est-tu pas excitant, ça, mesdames et messieurs, qui écoutez le hockey à la maison? Oui, on joue juste contre les mêmes équipes canadiennes tout le temps, mais crime, on a un beau club, là, me semble. Là. Tout le monde est à sa place, tout le monde est heureux, tout le monde joue bien, tu sais. C'est tellement ça coche, tout ça... ça m'apporte quand même beaucoup de bonheur en ces temps de COVID, bien sûr. Mais la COVID va bien, elle aussi. Les cas ont baissé pas mal. Et puis hier, c'était la fameuse conférence de presse du gouvernement qui allait parler des commerces. Et devinez quoi? Bien sûr, tous les commerces peuvent réouvrir, même les centres d'achat et tout. Tu vas pouvoir aller chez Essentiel là, ou dans un jardin t'acheter des huiles pour badigeonner ton beau corps qui a pris 10 livres depuis la dernière année. Et puis, mais j'étais pas sûr, moi, si on allait pouvoir réouvrir les commerces à Montréal, mais à grandeur du Québec, tout ouvre. Dans les zones oranges, les restaurants peuvent réouvrir un peu, bien sûr, avec les paramètres, tatata. Fait que je suis bien content pour eux, sérieux. Moi, je pense qu'il faut séparer les sections du Québec comme ça. C'est pas, tu sais, en région, je veux dire, Côte-Nord, le nord du Québec... laissez-les tranquilles, là. Oui, il faut pas que ça se répande, mais tu sais, hein, c'est pas pareil là, comme ici, dans Grandville. Fait que c'est ça. Puis donc ça veut dire que Retro MTL va pouvoir réouvrir. Je vais parler quand même pas mal de Retro MTL aujourd'hui, parce que c'est juste ça ma vie. Gamer puis aller travailler chez Retro MTL. Et puis je pense que ben là, il y a le couvre-feu qui est encore en vigueur. Alors là, je pense qu'on va réouvrir du lundi au mercredi de 10 à 5, jeudi et vendredi de 10 à peut-être 6, je vais voir si les employés sont disponibles, puis la fin de semaine de 10 à 5 et de midi à 5, je pense. Ça devrait couvrir, donc c'est le même horaire qu'avant, sauf qu'au lieu de fermer à 9 le jeudi et le vendredi, on va fermer à 6. Donc je pense que c'est bien. Et puis, les employés sont motivés, là, pour eux autres, ils sont à la maison puis ils attendent ces plates. Même qu'ils nous ont dit, nos employés étudiants, que ceux qui ont de l'école, ils n'ont pas droit, tu sais, à l'assurance emploi. C'est pas l'assurance chômage, faut plus dire ça. C'est l'assurance emploi. Donc, ils ont un emploi, mais ils sont à l'école, fait qu'ils n'ont pas le droit à l'assurance, ce qui est comme différent de la PCU. La PCU, c'était pour tout le monde, mais pas l'assurance emploi, apparemment. Fait que là, ils n'ont pas d'argent, mais ils n'ont pas de dépenses non plus. Ils sont à maison, couvre-feu, puis tout. Mais bon, tout le monde veut travailler, tout le monde a besoin de sous, quand même. Donc, on va rappeler tout le monde, là. Il faut qu'on se réorganise, encore une fois. Vous avez vu, j'ai fait un petit post aussi sur la page de Retro MTL pour montrer les développements du nouvel espace. Fait que on est là-dessus. On est allé domper pas mal de stock encore et puis on a commencé à bien saisir où est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre où, séparer les espaces de travail. Vidéotron est venu brancher ça. Puis là, vu que ce qu'il y a de le fun, vu qu'on est au deuxième étage d'une caisse populaire, il y a déjà une ancienne caisse populaire. Il y a déjà tout un système de réseau dans les murs. Ce qui fait qu'on va pouvoir brancher nos ordis filaires partout via ce réseau. Et non pas être sur le Wi-Fi. On peut être sur le Wi-Fi, mais on ne sera pas obligé. Fait qu'on va être Internet à côté dans le tapis. Et puis, on va avoir un téléphone, une ligne terrestre dans le fond. Et puis, c'est ça. Fait que après la caisse populaire, il y a une compagnie de... Voyons, une compagnie d'informatique là aussi, sur place. Donc, il y a tout un système en place qu'on peut continuer d'utiliser. Alors ça, c'est vraiment un beau plus. Prendre un peu de café. Ah, on va en prendre encore. Fait que on fait ça. Puis là, dans le fond, ce qu'on fait pendant qu'on est fermé, notre employée Camille, qui est la dernière arrivée à l'équipe, là, a commencé à travailler cette semaine, même si on est fermé, pour qu'elle puisse être formée au maximum pour bien comprendre le shipping et puis toute la gestion du quotidien. Alors, on va aussi mettre Philippe, notre gérant, la semaine. Fait que là, Camille et Philippe vont rouler la semaine le magasin pendant que nous autres, moi et Joe, les propriétaires, ainsi que les gars de web, Olivier et Marc-Antoine, seront au nouveau local. Les gars de web vont rentrer de l'inventaire. Moi et Joe, on va gérer tout. Et puis Fred va aussi quitter sa tanière. Fred qui est notre propriétaire, Fred Gemus, va venir travailler aussi sur place, va s'installer un bureau et puis il va consacrer dorénavant une journée par semaine à Retro MTL parce qu'il est employé temps plein chez Tribute Games, mais il s'est arrangé avec ses boss et puis il va consacrer une journée à achat. Fait que ça va bien gros aider aussi. Là, on va être tous les trois propriétaires et les gars de web sous le même toit. Puis on va être capable de bien comme développer. T'sais, on veut améliorer notre site web. Il y a beaucoup de choses là, qu'il faut qu'on retravaille. Moi-même, l'ordinateur que j'utilise présentement, dans la place que je suis présentement, bientôt, ça sera plus ici. Mon ordi va être là-bas, fait que je vais pouvoir faire du design dans le jour pour la compagnie. Ou... Il y a plein de choses qu'on veut faire, là, de la merch, puis des pubs Facebook, faut qu'on ajuste tout ça. Mais j'ai pas le temps parce que mon ordi est ici pendant que j'étais à shop là-bas à gérer 1000 petites patentes. Fait que c'est ça, donc on va comme se regrouper et puis on va comme... donner des boosts, là, tu sais, j'ai vraiment hâte, et puis la COVID a ralenti tout ça, ben le deuxième confinement qui achève a ralenti le projet, mais non, ça va être pas pire, pas en tout, et puis vous avez vu aussi qu'on a fait faire un genre de présentoir mural qu'on a mis sur notre mur mauve, donc ça, c'est un gros présentoir en bois, qui ressemble beaucoup à mes armoires ici, chez nous, d'ailleurs, de mon sous-sol que vous avez vu. Et puis, ben, c'est le même ébéniste, en fait, sauf qu'on a pris du bois un peu plus cheap, par contre, plaqué. Alors, ça fait vraiment une belle job pour la moitié du prix. Et puis, ces armoires seront vitrées aussi. On attend les vitres, et puis vitrées barrées. Puis là-dedans, on va mettre tous nos items là, de grande valeur. Ça va être un beau display là, de riche, avec du bel or gris dedans. Et puis, c'est ça, toutes les choses qui ont de la valeur. Là. D'ailleurs, présentement, on a un Final Fight Guy, Final Fight Guy, complet en boîte au Super Nintendo d'une valeur de 2700$, je pense. Tu sais, c'est le genre d'affaires-là qu'on va mettre là-dedans. Là. Et on a plein de belles affaires dans nos présentoirs, en fait, que les gens voient pas vraiment parce qu'ils sont tout empilés, là, tu sais. Fait que, non, ça va être cool. Et puis, on a aussi des racks. Tu sais, sur le plancher, on a des racks blancs. Nos bons vieux racks blancs qu'on avait achetés au défunt Microplay. Et puis là, on va... le problème de ces racks blancs-là, on en avait un de plus, en plus. Et puis, on ne peut pas les mettre au sol de notre présent local parce qu'ils sont trop gros, tu sais, ça passe pas dans l'escalier qui descend au sous-sol. Fait que là, on va leur couper les pattes. C'est ça le problème. On va raccourcir les pattes et puis on va les descendre en bas puis on va avoir des nouveaux présentoirs que notre ébéniste va faire en haut. Fait que là, les racks blancs présentement vont aller en bas à servir à mettre l'overstock. Comme là, tu sais, comme on a plus de Xbox 360 en inventaire au sous-sol que sur le plancher présentement. Fait que nos nouveaux présentoirs, nos nouveaux racks vont régler ça parce qu'ils auront comme pour la même hauteur. Tout va être resserré, fait qu'on gagne un étage de jeu de plus. Fait que deux côtés, ça veut dire deux lignes pleines de jeu de plus. Et puis, elles seront larges de 12 pouces de plus. Fait qu'on peut ajouter, mettons, là je parle de jeu format DVD, là, format disque. Fait qu'on peut rajouter quoi, 6 jeux par rangée. Fait que là, ça va mettre beaucoup plus de jeux sur le plancher. Là. Et non seulement ça, vu que les racks sont condensés, on peut en mettre un de plus. Fait que là, on va en avoir 4 racks sur le plancher au lieu de 3. Puis chacun de ceux-là vont tenir beaucoup plus de jeux. Fait que là, ça va tout libérer, ça va tout rebrasser l'inventaire, ça va tout mettre ça propre. Et puis, vous allez vraiment en avoir plus là, près de vos mains, puis vous allez pouvoir magasiner. On va mettre des jeux un petit peu plus chers aussi. Quand on a commencé dans les racks du milieu, on mettait juste des jeux à 15$ et moins. Pour contrer le vol, mais avec les années, on se rend compte que on se fait pas voler en fait. Puis la place est pas si grande, alors ça serait quand même. On surveille bien, puis on a des caméras et tout. Donc on a augmenté après ça les jeux à 20$ et moins sur le plancher. Puis là, je pense qu'on va se rendre jusqu'à 25, peut-être 30. Et puis on va surveiller ça de près, voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est ça. Donc tout ça est super excitant. Moi, j'ai tellement hâte là, que le magasin. Que la boutique soit refaite, là, tu sais, un peu, on va replacer les affaires. Là, on a des jeux de PS2 dans un présentoir au bout, on a sur les racks du plancher, on a en overstock au sous-sol, on a en overstock dans une petite armoire derrière les comptoirs, puis on a aussi sur le mur, tu sais, là, on a à peine trop de place, là, tu sais, des fois, on cherche les jeux, ça n'a pas de bon sens, c'est une vraie farce, fait que là, il faut revoir à tout ça, là. Mais là, on faisait rien parce qu'on était fermé. Mais quand on va réouvrir, puis ça s'en vient, on va être encore un peu dans le bordel parce qu'on va recevoir nos racks à shot de 2 sur 2 semaines, 2-3 semaines. Fait qu'on n'aura pas tout de suite. Mais puis notre arcade Turtles aussi, on va probablement l'amener au nouveau local. Ça fait que ça va libérer de l'espace parce qu'on peut remettre les petites bibliothèques blanches qu'on a présentement dans lesquelles on pensait avoir de la merch un peu, là. Des toutous, des tasses, des figurines, tu sais, des affaires comme il y a dans tous les magasins de jeux vidéo et que nous autres on n'a pas parce qu'on n'a pas de place, ben là on pourra peut-être commencer à en tenir un peu de ces petites choses-là là, à côté de la caisse pour faire joli, bien sûr. Je vais reprendre un peu de café. Fait que, c'est ça qu'on fait. Et puis, vous avez peut-être vu, si vous suivez notre page Facebook, on a fait une pub Facebook là, pour annoncer qu'on rachetait de l'inventaire, bien sûr. Et puis, il faut en acheter. On est fermé, mais on peut quand même s'approvisionner en matière première en tant que commerçant. Et puis, fait qu'on a mis de l'argent sur cette pub-là pour qu'elle reach le plus possible. Puis, man, depuis 2 semaines, les messages qu'on reçoit, là, j'ai comme envie de parler de ça un peu des fois parce que c'est notre quotidien, tu sais, de gérer des messages. Puis d'ailleurs, dans le développement encore de l'entreprise, je pense que le prochain poste à combler serait un gestionnaire de communauté, quelqu'un qui est sur Internet toute la journée, qui est capable de filtrer puis gérer ces messages-là, quelqu'un qui est capable de comme manager aussi nos pubs Facebook et nos multiples pubs, quelqu'un qui fait des posts, tu sais, ce genre d'affaires-là. Et puis, excusez-moi, il faut que je fasse quelque chose ici, drette là. J'ai oublié. Quand mon fils va jouer au hockey, il faut que je remplisse à distance un document comme je suis en train de faire présentement. Mon fils vient de me texter pour me dire de remplir le document en ligne que j'avais encore oublié. Parce qu'à chaque matin qu'il joue au hockey, il faut que je remplisse le document en ligne qui dit que non, on n'a pas voyagé, non, on n'a pas de symptômes dedans. C'est comme signer le registre, mais je le fais à distance, tu sais. Comme ça, ses coachs, ils n'ont pas besoin de gérer ça. Puis je l'oublie tout le temps, puis ils viennent me texter de le faire. Fait que je suis en train de le faire. Ça va prendre une seconde, excusez-moi. Faut qu'il embarque sur la glace, le jeune, là. Ça fait le... Non, submit. Et puis, bon, à cette heure, je vais y dire que c'est fait. Maintenant, c'est fait. Bonne journée, mon petit chou à la crème. Non, je dis pas ça. À mon fils qui a 12 ans, bientôt 13. Un vrai ado, je vous le dis. Fait que, on aurait besoin d'un gestionnaire de communauté pour gérer. Parce que pour vrai, être assis à l'ordi puis gérer des messages, c'est 50% de la job là, présentement. Là. C'est tellement de temps, tu sais, comme les téléphones, les messages, c'est non-stop. Puis avec notre pub Facebook, c'est comme aller scraper le fond du baril, man, de la déchéance humaine. C'est comme aller kicker le nid de guêpe qu'est Marketplace. Man, le monde, ils nous écrivent des affaires, c'est horrible, tu sais. Vous avez déjà fait affaire sur Facebook Marketplace, c'est un endroit absolument atroce avec le pire de l'humanité. Et puis, si jamais vous allez mal, vous êtes en dépression et que vous écoutez mon show et que ça vous donne de la joie, tant mieux. Par contre, je vous donnerai ce conseil, n'allez pas sur Marketplace, vous allez mettre fin à vos jours immédiatement. Et puis, c'est pourri. Et puis, on reçoit plein de messages. Là. Un qui était spécial, là, qui est, il y a un petit un petit bizarre qui écrit « Avez-vous... » Puis, tu sais, c'est jamais « Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous auriez des consoles PlayStation 5? » C'est « As-tu PS5? » Après, 5 de même. Puis, nous n'avons pas de PS5. Malheureusement, j'explique que les petits commerces ne peuvent pas en avoir, nanana. Là, il dit « J'ai une PS5, combien? » Là, je suis comme « Vous avez une PS5 à vendre? » Non, mais j'en aurai une. Là, j'ai. Ben, réécris-nous quand tu auras une PS5. Non, j'en ai une. Maintenant, combien? Puis là, on répond pas pendant 15 minutes parce qu'il y a de quoi. Il y a un client qui est venu chercher un pick-up, whatever. Là, il met des points d'interrogation. Full agressif, tu sais. Combien tu me donnes sinon je la vends à quelqu'un d'autre? Là, je suis comme. Hey, petit gars, ta PS5 volée, vends-la donc à quelqu'un d'autre, tu sais. Fuck you! C'est comme, c'est super violent, tu sais. Un autre dos disait, j'ai Animal Crossing sur Switch 9, combien tu me donnes? C'est tout le temps ça, c'est pas combien toi tu me donnes. C'est pas genre, vous offrez combien, tu sais, pour ce jeu-là, on discute, ça va bien, tu sais. Tu me donnes combien pour ça? Toi, le cave, tu sais. Toi, là, c'est quoi que tu donnes pour ça, toi? Tu sais, il y a une façon de parler aux gens, puis t'es comme, fuck you, man, tu t'adresses à moi comme ça. Ah! Si j'avais pas une business de cassette, man, j'aurais pas à subir ça, malheureusement. C'est le lot qui vient avec, là, tu sais. Puis, je pourrais pas faire ça pendant des années, là, tu sais, comme me faire parler de même. Puis, tu sais, on reste toujours courtois, là, tu sais. Puis, on va dire quelque chose aussi, le client n'a crissement pas toujours raison. Le client a rarement raison, en fait. Puis, des fois, il faut leur expliquer comme il faut, mais fermement, quand, tu sais, on se laisse pas piler dessus non plus, là. Fait que on répond quand même avec toute la courtoisie du monde à ces gens-là. Puis quand ça fait pas ou whatever, puis t'envoies chier, ben clique, tu sais, delete le message, puis that's it. Ce que ça fait aussi de subir toutes ces violences-là, ça, c'est vraiment en train de me rendre insensible, tu sais. Fut un temps, quand j'étais sur Internet, il y a de cela bien des années, avant que j'aille à gérer le compte d'Arcade MTL puis maintenant de Retro MTL qui est crissement plus violent parce que je sais pas, c'est comme un monde la revente de jeux vidéo, tu sais, c'était comme un monde dominé par les crottés, ça. Puis nous autres, on, à quelques exceptions près, je suis pas en train de dire que ceux-là qui ont des legit magasins qui font ça proprement depuis des années sont des crottés. C'est pas ça du tout. Je parle plutôt des resellers puis du monde qui font ça par en dessous puis tout ça. Puis ce monde-là nous envoie chier constamment, tu sais, m'envoie chier moi, ils maïssent, là, tu sais, mais nous autres, on arrive, on fait ça proprement dans un monde qui est surtout géré de même, tu sais, qui est géré par du monde qui font ça comme que c'est quasiment comme vendre la dope là, tu sais, c'est comme un monde pas propre là. Fait que on se fait attaquer ben gros, puis I guess que c'est normal, puis c'est correct, tu sais. Ils ont le temps de faire ça, les autres, s'en prendre au monde. Mais c'est ça, fait que c'est ce genre d'affaires là qui arrive. Puis je vais revenir au gars de New Horizon. Fait qu'il me dit combien tu vends ça là, combien tu me l'achètes. Là, on a 950$, tu sais. Nous autres, on le vend 79,99$ de chez c'est Nintendo. Puis là, j'ai dit, on a chez nos fournisseurs, on les vend 79,99$, c'est le prix retail, puis on vend ça comme tout le monde. Puis là, il me dit, tu sauras, si tu connaissais les jeux vidéo, c'est disponible chez nos fournisseurs, tu sais. Là, il me dit, si tu connaissais les jeux vidéo, tu sauras que ça vaut cher, ça, ta. Le gars, il pensait avoir une affaire de quoi, 120$ dans les mains, j'en ai aucune idée, là, tu sais. Tu sais, j'aurais bien pu là, y acheter 60$ ou y offrir 60$. Ça n'aurait pas fait non plus, anyway. Parce que ce qui se passe avec ça, cette pub Facebook-là qui scrape le fond du baril, c'est que les gens qui ont des items qui valent 100$, ils s'attendent à en avoir 90-95$. Tu sais, c'est pas de même ça marche, là. C'est pas... Tu peux pas vivre un commerce puis payer des employés en faisant des 5$, en investissant sur des 100$. Il y a quelqu'un qui a communiqué avec moi il y a quelques semaines, qui vendait son full set NES, tu sais. Et puis, bon, je ne sais pas exactement pour combien il y en avait puis qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Mais mettons qu'un full set NES, mettons, puis je pense, que ça tourne autour de 25 000$, tu sais. Puis moi, j'y ai dit, ben écoute, peut-être qu'à 16, 17, on commençait à jaser. Puis là, il dit, non, j'ai eu comme 8 autres offres plus élevées. Puis là, il était pending d'une offre à 20 000, tu sais. C'est comme, wow, c'est comme rendu là. Les gens qui achètent, ils achètent, tu sais, il n'y a plus de profit, là. Je veux dire, il y en a, là. Mais quand il faut que tu investisses 20 000$ pour faire 5 000$ de profit, c'est de la crise de merde, là. C'est incroyable. Il y en a un autre, là, reseller de même, qui nous achetait nos consoles la première année qu'on a ouvert. Il nous achète full price. Puis il revend son bar 30$ de plus chaque, tu sais, c'est... Chris, man, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Fait qu'on essaie de faire ça convenablement, mais y a du monde, man, qui s'imagine qu'ils ont des saints graals, puis qui ont toutes des affaires de fou, tu sais. C'est ça, une pub Facebook de même, ça va beaucoup aussi, tu sais, comme le monde, ils prennent en photo, genre, tout ce qu'il y a chez eux, et ils nous pitchent des photos tout croche de même, que du Xbox 360 tout le temps. Fait que là, man, on nous propose du Xbox 360 à côté, là, tu sais. Fait que, au travers de tout ce bordel de messages violents, pis de... Quand je dis violent, c'est pas genre, c'est pas violent, m'a tué, m'a battre, là. C'est violent, genre, tu sais, impoli, là, genre, pis attaquant, là, dans le ton. Et puis, à travers tout ça, pis l'obstinage, pis les affaires qui marchent pas, on a ramassé quelques lots quand même, mais vraiment pas tant que ça. Il y en a un qui c'est pas pire là, présentement, si on peut closer ça, mais ça va peut-être prendre encore un peu de semaine. On va voir. Mais c'est ça, c'est comme. C'est beaucoup, beaucoup du Xbox, des affaires de même. Puis il y a du monde qui sont comme. Voilà, 3$ du jeu. C'est comme. Ben oui, man, c'est 3$ du jeu. Je peux enterrer ta maison sous les jeux de Xbox si ça me tente. Là, j'ai pas besoin là, d'acheter tes jeux. À 10$, ton Assassin's Creed à 10$, moi là j'en ai 1000, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est ça. Le monde, il se pense riche avec le guenille que même les pawn shops veulent pas. Puis, il y a un dude qui avait. Il nous envoie des photos très trash de consoles, ok? Sur des sacs poubelles, des affaires tout croche. Il y avait une 64 Fantastic Grape, donc la mauve, la console mauve translucide, mauve foncé. Hein. Et puis il y avait genre une Super NES ou deux jaunes des 64 pétées, une PS2. Mais tu sais, la Atomic a popé, il y avait des manettes, c'était sale. Ça avait de l'air sale, on s'est dit, oh boy, ça c'est sale. Mais malgré tout, il y en avait, on y a offert 450, tu sais, pour ce qu'on a vu dans les photos. Fait que là, oh oui, j'arrive! Là, c'est comme, oh boy! Il veut son argent vite! Il déterre ses vidanges, il veut son argent vite! Là, il arrive en magasin, bien sûr, il n'y avait plus la Purple à vendre, fait qu'il n'était plus dans le lot, fait que déjà là, ça change. Là, d'ailleurs, ça arrive souvent, ça, c'est crissement tannant. Le monde, il nous envoie une affaire, on fait une évaluation, il y en a pour 3000, all right. Nous autres, on fait ça la semaine, on s'entend, il dit « je vais venir samedi ». OK, les propriétaires ne sont pas là le samedi. Fait que là, nos employés déballent ça, il manque le tiers des jeux, il manque une boîte, il manque une manette, il manque plein d'affaires. Là, ça devient super compliqué parce que l'évaluation qui a été faite n'est plus bonne. Fait que là, les employés, il faut qu'ils repassent, puis là, c'est long. Fait que, tu sais, si vous faites ça... Attendez-vous à ce qu'il y ait des longueurs, là, tu sais. On s'entend sur une affaire, vous arrivez avec une affaire différente. Donc, il faut checker ça. Fait que bref, je reviens à mon gars. Fait qu'il n'y avait plus la console fantastique, puis la boîte, là, là-dedans, là, c'était les choses les plus sales que j'ai jamais vues de ma crise de vie. C'est-tu que c'était sale? Ça sentait la cigarette, là, à côté, là, tu sais, là. Il y avait de la fumée sous forme solide, brune, partout sur le dans la boîte. Là, t'sais. Cette cochonnerie-là a été entreposée dans un cabanon de fumeurs de vidange pendant des années, des années, des années. Puis le gars, il nous arrive avec ça. Là, on se met les mains là-dedans. Même la COVID, elle ne survit pas là, là-dedans, inquiétez-vous pas. On se met les mains là-dedans. On branche une console sur trois qui marche, bien sûr. Oup, la PS2, le port de manette est pété. Oup, ta manette, tu sais, le bouton, il manque le caoutchouc dessus. Tout est à moitié pété. Tout est scrap, là. Je suis comme body, man. Tous tes jeux que t'as emmenés de PS2, il y en a un tiers qui manque les disques. Il y en a que c'est des fausses pochettes. Il y en a que, tu sais, les disques sont maganés, là, tu sais. Dos, aucun nom les livrait. C'est comme, hey man, t'en as pas pour 450$ là-dedans, là, tu sais. Fait qu'on lui a offert 100$, puis il était bien content, là, tu sais. Il a compris, au moins, il nous a pas obstiné, là, mais sacrament, man. Deux lots de consoles comme ça qu'on a reçues la semaine passée, qui sont présentement au sol, puis tantôt, je m'en vais nettoyer ça, là. Si tu passes une heure à décrasser la manette de PS2, c'est l'enfer, hein. C'est l'enfer. Le monde, ils mettent ça sur nos comptoirs, des vidanges de même, ils sont pas gênés, c'est... Ouais, man, c'est fou, là. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on redonne vie à ces pauvres machines-là, tu sais, qui ont été abandonnées pendant longtemps. Puis la Super NES, on l'a toute démontée. Puis le shell de plastique, on le lave à l'eau de vaisselle, là, puis tout. Puis elle est revenue très belle, là, quand même. Fait que ça, c'est vraiment plaisant. Donc, là, vous allez dire, vous payez ça des peanuts, vous vendez ça super cher. Ben, on met du temps là-dedans, mon petit ami. Là. J'ai du monde payé, moi, là, 15$ de l'heure restit à nettoyer des shells de cassettes, puis des cochonneries, puis à resurfacer des disques avec notre resurfaceuse qui coûte très cher. Donc, tout ce qu'on remet en vie, tout ce qu'on met sur nos tablettes est nettoyé, propre, fonctionnel. Peut arriver qu'il y ait des petits problèmes, mais on règle tout le temps ça, anyway. Mais on met beaucoup d'argent en tant que entreprise à restaurer tout ce qui vient ici, tu sais. On resurface des dizaines de disques tout le temps, on nettoie tout en profondeur. Tu sais, je pense que on va aller chercher une subvention là, comme restauration, restaureur de vieilles affaires, tu sais. Tout le feutre qu'il y a sur les cassettes, on le frotte, tu sais, on l'enlève, on forme nos employés pour ça. Ça fait partie de leur liste de travail, tu sais, fait que on investit beaucoup de ressources, sérieux, à nettoyer puis à faire tout ça. Ah ouais, je vais prendre une gorgée de café d'ailleurs. Ce qui m'amène à notre autre point, l'excellent Carl Léveillé, qui est maintenant pas mal à temps plein chez nous. Il avait un autre emploi, mais... Puis il venait chez nous part-time, mais là, il n'a plus son autre emploi. Fait que là, suite à ça, il dit « Alright, rentre à temps plein, Carl. » Il est dans le sous-sol, puis il répare toutes nos consoles défectes. Fait qu'il ramène à la vie des Game Boy, des Game Gear, des Super NES, des PS2, des manettes, des Wii Remote. Fait que tout le junk qui dort comme ça, on peut le vendre. Fait que c'est merveilleux. J'en avais déjà parlé de toute façon. Fait que là, c'était une question de calculer la rentabilité d'avoir un technicien comme ça. Mais je pense que ça va être bon. Et puis là, vu que la COVID va nous permettre de réouvrir, on va... Carl, il a déjà commencé à aménager son espace dans notre nouveau local, dans le quartier général. Je pense que c'est le terme officiel qu'on va donner à ça. Rétro MTL, quartier général. Donc, Carl, il a son bureau à lui au quartier général, puis il a du racking, puis tout. Il est super content, là, il va s'installer là-dedans. Et puis, il va prendre des commandes aussi pour réparer les consoles. Donc, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on va faire ça. Probablement qu'il y aura un dépôt de 20$ pour une analyse de la console, du problème. Et puis, suite à ça, si on va de l'avant avec la réparation, au final, le 20$ sera crédité. Ou sinon, ben, that's it. Le 20$, c'est comme pour son investigation. Il faut qu'il prenne le temps d'ouvrir la machine, puis d'essayer d'identifier le problème, puis de gosser là-dedans. S'il n'y arrive pas, ben, ça prend quand même un montant pour nous pour avoir investi ce temps-là. Fait que ça va leur payer dans le fond. Puis ça va le rentabiliser encore plus. Et puis on a beaucoup de demandes de gens qui veulent qui ont besoin de réparation. Là, fait que c'est vraiment un service qu'on veut offrir et puis on veut le rentabiliser. Puis Carl, on va le mettre sur le payroll très très bientôt aussi. Alors, l'équipe s'agrandit de mes techniciens, ça, je suis bien content. Et puis, il nous aide bien gros aussi là, avec ses connaissances. Là, il y a plein de trucs, il sait tout. Et puis, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, nous, à l'interne. Il y a un bain ultrasonique. C'est malade, ça, un bain ultrasonique. Ça a l'air d'une petite friteuse là, dans laquelle tu descends un petit panier. C'est à peu près gros comme... C'est gros comme ça, là, une petite boîte, là, c'est pas très gros. Et puis, bon, ça vous dit pas grand-chose à la maison, là, ce que je viens de mimer. Là. Disons 12 pouces de haut par 6 pouces de large, un genre de rectangle, peut-être un peu plus petit que ça. Puis un petit panier que tu descends, puis dans l'eau, c'est pas de l'huile à friteuse, bien sûr, c'est de l'eau, et puis du vinaigre, et puis de l'eau de vaisselle. Et puis, ça émet une vibration là, ultrasonique. Et puis ça permet d'enlever tout le verre de gris puis l'acide à batterie qui a coulé sur les composantes. Fait que bref, mettons une Wii Remote qui a des batteries ont fondu dedans pendant des années. Ben il démange tout ça, il met le métal là-dedans dans le bain puis ça enlève absolument tout, ça revient spick and span. Donc là nous autres on aime bien ça quand Carl il part le bain. Hein? Ça nous fait bien rire. Donc ça, je suis bien content de ça. Et puis, quoi d'autre, là, j'essaie de regarder. Je me suis quand même pris des petites notes ici. J'ai tellement écrit vite. Je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Fait que, ouais, là, je chiale ben gros. Je chiale. Mais j'ai quand même besoin de ventiler un peu, là. Sachez-le, parce que je suis vraiment content de travailler, là. Je me plains pas du tout. J'aime pas mal mieux ça qu'être à la maison avec les enfants, puis que tout le monde tourne en rond, puis qu'il y ait des zooms, puis que ça, c'était atroce. Fait que, mais je travaille beaucoup, puis ça me prend beaucoup de temps, pour vrai, et puis ça me garde bien, là, puis on développe là, le nouvel aménagement, le nouveau local, engager des employés, fermer, ouvrir, trouver des jeux, faire des... J'ai aussi des contrats de graphisme que je fais, bref... Puis je trouve que c'est un moment de l'année difficile où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil et puis je me couche tôt quand même, puis le soir je suis fatigué, tu sais. C'est comme si je manque de vitalité un peu. Et puis ma tête est lourde, fait que on dirait que j'ai brossé. Tous les matins je me lève, je suis comme on dirait que je me lève d'une brosse, là, c'est l'enfer. Des matins moins pires que d'autres, mais il y en a que je sais même pas pourquoi, mais ma tête est morte de fatigue. Là. Trop d'écran, trop de pensées, trop de tout. Fait que, ouais, je trouve ça pas toujours évident, là, ces temps-ci. Mais j'ai bien confiance là, que le printemps va nous amener beaucoup de joie. Et puis, on va avoir bien du plaisir. Déjà qu'on peut être quatre personnes regroupées dehors avant le couvre-feu. Là, je m'étire. Et puis, là, tout le monde est excité. On va aller boire de la bière dans ta cour. Et puis tout ça. Donc, on va checker ça. J'ai les cheveux de plus en plus longs aussi, comme vous pouvez voir, ceux qui écoutent en vidéo, fait que je laisse pousser. Peut-être qu'après la COVID, je vais les couper, par exemple. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Mais ouais, présentement, je les laisse encore pousser, puis on verra bien qu'est-ce que ça donne. Et puis, ouais, l'ébéniste aussi avec qui on fait affaire, je veux faire des meubles ici, j'ai vendu ma PVM, je continue à vendre des affaires. Et puis, je vous ai parlé que je voulais que les collecteurs de Switch quittent ma vie. Bien, ça continue cette semaine. Dans le fond, je me suis acheté un Priny 1 et 2 comme ça sur eBay. Juste le jeu. Parce que moi, j'ai le collecteur de même. Et regardez la grosse chose qu'est ce collecteur. C'est un très beau collecteur. Mais moi, je veux pas ça. Là. Je veux pas un bloc de même dans mes affaires, tu comprends, c'est fucking gros, là. Moi, je veux juste ça. Fait que ça continue, ce gros collecteur de Priny 1 et 2 sera à vendre. Là, j'ai un collecteur de Priny, j'ai un collecteur de Curse of the Moon, puis un autre de The Messenger, fait que pour ceux qui écoutent à la maison, si vous m'écoutez, puis pour faire plaisir à ceux qui sont sur ma page Facebook de Papa Cassette, je vais les afficher en vente là, en premier, ces beaux collecteurs-là. Alors, si ça vous intéresse, ben, je vous les vendrai à vous autres. Puis après ça, ben, ils vont se vendre très rapidement, peu importe où. Ça, j'en suis sûr et certain. D'autres affaires de Retro MTL que j'ai gardées, bien sûr, Blaster Master Zero 1 et Blaster Master Zero 2. J'essaie de voir comment je cadre ça. Okay. Ce que je trouve un peu dommage de ces pochettes-là, par exemple, c'est qu'on met l'emphase complètement sur les personnages. Puis moi, les personnages sont bien fins, sont bien beaux, puis ils supportent bien l'histoire, mais je m'en crisse un peu. Moi, c'est le tank. Regardez le tank en arrière, Sophia. Moi, c'est le tank que je veux voir, mais moi, le tank en gros, là, sur le cover. Blaster Master, ça n'a jamais été à propos des bonhommes. Ça a tout le temps été à propos de ce fameux tank avec une mécanique vraiment plaisante à jouer, toutes les skills qu'il peut acquérir. Puis c'est encore le cas dans ces jeux-là. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais de toute façon, ils vont aller sur ma tablette pour ne jamais être ouverts. Et puis, de tout ça, on va ne voir que la tranche comme ça. Donc, puis ça va aller rejoindre le Wall of Death, le Red Wall of Death. La collection Switch, que tout est rouge et puis que c'est juste des titres. Comme une collection PS1, tu sais, ça devient moins le fun à collectionner quand tu vois juste des tranches de même. Je sais qu'il existe des trucs custom sur Etsy, entre autres, des jaquettes que des gens ont faites avec le titre du jeu, le logo du jeu, logo Switch, etc. Et puis, ça fait des tranches colorées, tu sais, puis tu spots mieux c'est quoi les jeux, ce qui est très bien. Mais moi, je vais continuer quand même à y aller dans le rouge comme ça, bien statique. Puis, par contre, là, je veux, comme on a libéré des armoires chez Retro MTL, je veux pas des armoires, des bibliothèques, je vais m'en ramener une petite bibliothèque blanche là, que je vais accoter sur un mur là-bas. Et puis, de ma grosse bibliothèque qui a tout mon NES et tout ça, qui est bien big, je vais sortir le Switch puis la Wii, puis je vais mettre ça dans cette petite bibliothèque-là, à portée de main. Parce que là, c'est vrai qu'il est un peu haut, et puis quand je veux fouiller dans mes jeux Switch, pour trouver de l'inspiration, il faut que je mette un tabouret, puis que je grimpe dessus, fait que là, je veux juste mettre ça ailleurs, puis je pense que moi puis mon fils, plus jeune, ça va nous faire plus farfouiller dans les jeux Wii et Switch, et puis ça va être très cool. Donc, je vais essayer ça, puis je veux comme refaire un peu mon setup dans ma grosse bibliothèque, là, qui aurait que NES, Super NES, Game Boy, boîte. Ben, Game Boy, pas les jeux, mais les boîtes. Fait que, en tout cas, là, je suis tout excité. Là, je veux replacer ça. Et puis, bien sûr, il y a même. Vu que j'ai une télé sur deux qui est partie, et puis j'attends mon Retro Think pour brancher mes autres consoles sur ma grosse télé, j'ai besoin d'un autre meuble. Et puis, j'ai magasiné sur les sites de meubles, puis je pense que je devrais m'en faire un custom, probablement par mon ébéniste encore, mais ça revenait encore un peu cher. Et puis là, ben, il faut payer le collège du garçon. Et puis, il faut payer les taxes de l'immeuble. Et puis, il faut payer une autre affaire. Ben, il y a un électricien qui vient samedi, alors il faut payer. Les coquetteries de jeux vidéo attendront, bien sûr. Excusez, je regardais une notification. Je viens de vendre des jeux Famicom. Et puis, toujours content d'avoir mon Stadium Events. Ça me dérange pas en tout d'avoir dépensé là-dessus. En passant, tiens, je l'ai sous la main ici, alors je le montre encore parce que j'en ai parlé hier à Retro Nouveau. Et puis, c'est bon là, de le regarder de temps en temps, n'est-ce pas? Moi, j'aime ça. Je descends en bas, là, je le regarde. Là, je suis comme, voilà 16 000 $ bien investis. Voilà une décision très intelligente, Papa Cassette. L'une de tes meilleures. Alors, c'est ça. Autre décision très importante dans ma vie à Retro Nouveau, pas le dernier épisode, l'autre d'avant, l'excellent Bruno Georget, chroniqueur. Ben Bruno Georget s'est fait mon ami, s'est fait aussi une page ami et sidekick de Retro Nouveau depuis tout ce temps-là, bien sûr, anciennement Monsieur Net. S'est ouvert une page Bruno Georget, chroniqueur. Donc, si vous aimez Bruno ou si vous le connaissez pas, mais vous voulez suivre un gars très positif, qui joue à des jeux vidéo, puis qui explore beaucoup de choses, puis qui est vraiment un touche-à-tout, qui était vraiment un cool guy, allez bien sûr suivre sa page Bruno Georget, chroniqueur. Et Bruno Georget, dans le dernier épisode de Retro Nouveau, l'avant-dernier, avait parlé de OSM, Old School Musical, qui est un jeu de rythme dans le très, très, très joli, en fait, qui explore des mondes de jeux vidéo. Donc, c'est un jeu où est-ce que, un peu à la Guitar Hero, faut que tu pèses au bon moment quand le truc arrive vis-à-vis la place qu'il faut que tu pèses, là, tu sais. Et puis, comme vous pouvez le voir par la pochette, c'est un monde, il y a A Link to the Past, Marble Madness, R-Type, Friday the 13th au NES, Mega Man, man, ce jeu-là est comme passe à travers tous ces mondes-là, c'est très drôle. Et puis, écoute, je l'ai écouté là-dessus, ça avait l'air très bon, alors on a commandé chez Retro MTL, parce qu'on essaye vraiment d'avoir une belle sélection de jeux indie qui sont bons. Alors, c'est un jeu de Super Rare qu'on peut voir ici. Alors, c'est un jeu européen. C'est une sortie européenne, donc il n'y a pas de sortie américaine de ça. Les jeux européens de Switch, à la différence des américains, comme vous allez le voir ici, regardez Priny, c'est aligné vers la gauche. Et puis, les jeux européens, c'est centré. Et puis, dans le bas, il y a tout un petit triangle en coin vert ou rouge, ou peut-être qu'il y a d'autres couleurs. Moi, j'en ai pas vu d'autres pour l'instant. Fait que Super Rare, c'est comme un limited run européen, tu sais. Et puis là, dans ma collection Switch, j'ai beaucoup de jeux US. J'ai quand même pas pire de jeux européens, parce que faut pas se le cacher, il y a des bonnes choses qui sont publiées là-bas et qui seront jamais US, alors c'est important de garder un œil là-dessus. Et puis j'en ai quelques-uns japonais aussi, mais là, ça fait que les tranches, j'en ai une américaine, que c'est écrit le nom du jeu. J'en ai une européenne, comme ici, que c'est écrit le nom du jeu, mais centrée. Et puis japonaise, c'est aligné à gauche, mais c'est écrit en japonais. Puis moi, je les mets tout en ordre alphabétique anyway. Fait que là, je me suis dit, je vais mettre tous les Américains ensemble. Ensuite, je vais mettre tous les Européens ensemble. Ainsi, toutes les écritures centrées vont toutes être ensemble. Et ensuite, je vais mettre les Japonais à la fin. T'sais. Mais là, par exemple, si je mets les Japonais à la fin, visuellement, ça va revenir aligné à gauche. Peut-être que c'est un problème. Fait que peut-être que je devrais mettre US, japonais pour tous les alignements à gauche, puis après centré, tu sais, pour que dans mon Red Wall of Death, ça soit, tu sais, comme tout aligné, après ça, tout aligné, mais au centre. Comprenez la maladie mentale, là? Puis pas de collecteur là-dedans, juste des. Toutes des cases pareilles avec des beaux alignements. C'est ça que... moi, je dors pas la nuit parce que je pense à ces affaires-là. Puis je dors pas la nuit non plus parce que ces maudites affaires-là, ça vient avec un tabarnak de sachets, de plein de cartes, regardez ça, là. T'en veux-tu, t'achètes un jeu, là, des stickers, va des fucking cartes, et puis des... Ah, ça vient dans un gros sac. C'est ça que j'aime pas de Super Rare. Mets la shit dans le case, tu sais. Pourquoi, là, un gros sachet comme ça? Je veux pas ça, là. J'haïs ça, tu sais. Là, qu'est-ce qui se passe? Le jeu s'en va sur ma tablette. Puis ça, c'est un sac plein de gogos là que je me contre-calisse. Ça en va dans un bac pour être oublié pour toujours. Puis si un jour je décide que je veux plus ce jeu-là, ben au moins j'aurai les gogos qui vont avec. Puis là, il y a du monde qui veut les gogos, alors je pourrais le vendre plus cher. Mais je veux pas jeter ça, bien sûr. Mais ah, j'haïs ça, tellement de gogos, man. C'est l'enfer. Ah. Fait que c'est vraiment déconstruit, hein, comme show, comme je disais. Voyons voir ici qu'est-ce qu'il me reste. Il me reste pas grand-chose à dire. Je suis allé faire un tour chez Arcade MTL aussi pour aller chercher des affaires personnelles. Ben, pour aller chercher les boîtes de consoles de Jaguar et de Game Boy que vous voyez en arrière. Je veux vendre ma Jaguar, fait que je vais vendre la boîte, t'sais. Game Boy, je voulais la ramener pour mettre dans ma collection parce que c'est très beau. Fait que c'est ça, puis j'en ai profité pour prendre des boîtes qu'on avait chez Retro MTL de consoles parce qu'on en a énormément. Et puis les mettre à la place au bord en déco. Et puis ça m'a fait un petit feeling là, d'être là. Ça m'a fait du bien, tu sais, d'être là-bas, de regarder les machines, et puis d'aller dans le bureau, tu sais. J'ai vraiment hâte que ça réouvre, là. Puis on tient le coup, sérieux. Il y a d'autres subventions qui sont arrivées. On a eu on n'a pas eu notre argent du provincial encore, mais ça ne serait tardé. Donc il y a beaucoup d'aide, là. Pour vrai, il y a beaucoup d'aide aux entreprises. Et puis, c'est de l'aide qui a de l'allure aussi. C'est pas que des prêts. Il y a beaucoup de prêts, mais des prêts qui ont des pardons dessus. Ainsi, si tu rembourses une partie, ben, ils te le réclament pas le prêt au complet, tu sais. Puis, les intérêts sont pas élevés là-dessus. Donc, faut donner ça au gouvernement fédéral et aussi provincial. gouvernement fédéral, c'est quand même beaucoup plus simple que provincial parce que nous autres au Québec, c'est, on aime ça faire du papier puis suradministrer puis c'est long en tabarnak, puis c'est ça qui coule notre pays, le Québec. On n'est pas capable de se faire un pays parce qu'on est trop occupé même dans les papiers puis à se créer des paramètres puis à faire des sous-conseils de conseils de gens qu'il faut poker pour avoir pour avoir une autorisation d'ici avant pour demander à ça. C'est des paliers. Le Québec, c'est des paliers non-stop. J'espère que la COVID a mis la hache dans plusieurs de ces paliers-là. Et puis, ce que j'aime de Legault présentement, c'est que lui, c'est un homme d'affaires. Puis là, il essaye de gérer le Québec comme une business. Puis ça, c'est très bien. Puis lui, quand il était en affaires, c'est une entreprise privée. Tu sais, quand il y a de quoi qui marche pas, c'est comme OK, on élimine ce palier-là, on s'arrange pour que ça aille plus vite, ça soit plus efficace. Là, il se rend compte qu'en gérant une province, tu peux pas couper facilement. Il faut que tu rendes compte à des syndicats, il faut que tu rendes compte à des gens, faut que tu demandes la permission à tout le monde avant de faire un move, là. Puis je le sais que ça le dérange, ça. Fait que j'espère que ça va pas le décourager, puis j'espère que ça va l'aider à baisser le niveau d'administration du Québec pour que le Québec puisse se revirer plus rapidement, puis développer plus rapidement, puis fuck man, maximiser nos richesses, tu sais, et puis avancer, là, tu sais. Moi, j'aime le Québec, mais calice, des fois, j'ai honte là, de la lenteur de cette région-là, de cette province-là. J'arrête pas de dire pays. J'aimerais, en tant qu'entrepreneur, je crois que le Québec peut être autosuffisant au sens qu'on pourrait être un pays, tu sais. Puis là, c'est ce que j'aime avec Legault aussi. Présentement, il parle beaucoup de l'autonomie du Québec. Pogne les nerfs contre le fédéral, pogne les nerfs contre Justin Trudeau. Fait que là, il y a comme un... La CAQ n'est pas un parti souverainiste, mais les choses étant ce qu'elles sont, François Legault étant un businessman, il se rend compte que ça marche pas, tu sais. Fait que ça clash. J'ai comme l'impression qu'il... J'arrête pas de le dire sur ma page Facebook personnelle. Legault va faire l'indépendance du Québec sans s'en rendre compte, tu sais. Parce qu'on va se dire les vraies affaires. S'il faut parler de souveraineté du Québec et indépendance du Québec, c'est des vieux mots, ça, qui rappellent la guerre. Pas la guerre, mais... Les chicanes, tu sais, les libéraux étaient bien forts là-dessus. Pourquoi ramener les chicanes? C'est pas des chicanes. On veut pas séparer les Français des Anglais, tu sais. On veut. C'est pas ça qu'on veut. On parle d'une indépendance économique, tu sais. On parle d'être capable d'utiliser nos forces pour être autosuffisants. Qu'est-ce qui arrive présentement au Québec avec la COVID? On est-tu capable d'en faire des vaccins? Je pense qu'on serait peut-être capable. On serait peut-être capable de faire des masques. On a les entreprises pour faire toutes ces choses-là. Et puis, tu sais, c'est pas d'envoyer chier le restant du monde, puis ici, on est des Québécois blancs, puis partir un rigodon, c'ti, là. Pas ça pantoute, là. Les anglophones et francophones ensemble dans le Québec. Et puis, tu sais, comme. C'est une indépendance économique. C'est ça, là. Voyez ça, là. C'est possible. Puis, comme Parizeau disait, pourquoi on n'entend jamais parler des autres pays indépendants? Qui l'ont fait leur indépendance en Europe et des petits pays, puis que ça fonctionne. Ben parce que ça va bien. ça va être quoi notre armée? Ben Chris, on va s'entendre avec le Canada, puis ça va être la même armée. T'sais. Ça va être l'armée canadienne, on va fournir du monde. T'sais. On va pas chier le Canada, puis on se parle plus jamais. Tu gardes des relations avec les autres provinces, avec le pays duquel tu faisais partie. T'sais, c'est pas... Quand tu t'en vas de chez vous, là, à 20 ans, t'envoyais pas chier ta mère pour toujours, là, t'sais. Voyons donc, tu restes avec, là, puis tu fais tes affaires, mais t'es indépendant parce que t'es capable de l'être. Moi, c'est ça, là, qui me rebute. Qu'est-ce qu'on est capable? On a toutes les ressources qu'il faut. Puis, moi, je tiens ce discours-là parce que moi, je suis un entrepreneur, puis moi, je veux tout le temps ça parce que je suis fait de même. C'est pas tout le monde qui sont faits de même, puis je suis pas mieux qu'un autre, t'sais, comme... Je suis fatigué mentalement. Puis il n'y a pas des... Comment dire? J'essaie pas de dire que je suis meilleur qu'un autre parce que je pense de même. C'est mon show, esti, puis je pense comme je veux. Mais c'est ça. Puis il faut pas que tout le monde pense de même non plus. Ça prend... tu sais, il faut balancer. Mais je crois que ça serait faisable et que ça serait désirable et que ça serait bien. Et puis, on le voit là présentement. Et puis, c'est ça. Moi, je veux que le Québec soit comme une belle entreprise. Je veux que le roulement du Québec soit comme une belle entreprise bien huilée. et puis qu'on soit capable de débloquer des fonds aussi pour faire bâtir des belles choses, et puis comme tu sais qu'on réutilise notre argent, qu'on gère comme il faut, que ça aille plus vite, que tu sais, tout. Fait que je veux que ça soit beau ici, Steve. Je veux des belles affaires, je veux que ça roule, je veux qu'on ait du fun. Puis je veux qu'on garde notre esprit festif, tu sais. On a ça au Québec, et puis ça, c'est très bien, puis ça nous démarque beaucoup. Fait que s'il y a une affaire que j'aime d'être québécois, c'est ça, tu sais. C'est que, crime, au niveau de la planification, là, puis de la gestion des travaux, on n'est pas yarb-yarb, on va se le dire, je sais pas pourquoi, tout est fucking long, tout est fait à moitié, puis tout est refait l'année d'après, Chris que ça m'énerve, combien d'argent est-ce qu'on perd là-dedans, mais en tout cas, on aime faire la fête, et puis ça prend les deux, faut party hard, mais work hard aussi, guys, faut pas oublier ça, fait que voilà, je dis tout ça parce que, qu'est-ce que je disais, là, je m'en rappelle plus, c'est des envolées, là, comme ça, un matin, c'est des envolées. Je suis comme. Là, j'ai un high, je vais être down le restant de la journée. J'ai même pas fini mon gros café et télévision. Qui est rendu pas mal froid d'ailleurs. Fait que, de toute façon, j'ai pas mal fini, hein, n'est-ce pas? Pas mal fini ce que j'avais à dire. J'avais pensé dans un prochain épisode, peut-être couvrir. J'avais fait un épisode de flashback qui parlait de mes années, pas de mes années, mais du temps que je faisais des soirées rétro au Funzo. Et puis, faudrait que je continue les épisodes flashback. Là, on serait rendu à quand j'ai arrêté le Funzo pour me louer un local et puis mettre la table pour ce que deviendra Arcade MTL. Donc, je vais probablement faire ça au cours des prochains épisodes. Ben, ça sera un épisode, ça sera peut-être pas le prochain, mais ça va être un épisode là-dessus. Et puis, c'est juste que je veux le préparer un petit peu parce qu'il y a des moments... Voyons, excusez. Il y a des moments... là-dedans qu'il ne faut pas que j'oublie, fait qu'il faut juste que je prenne le temps d'y penser. Mais j'ai un petit peu moins de temps de penser ces temps-ci. Je prends pas le temps de penser tant que ça. Je suis all over the place. Fait que, voilà! Hey! J'espère que vous avez apprécié ce bizarre d'épisode. J'espère que j'ai pas froissé personne, en toute franchise, là. Fâchez-vous pas, là. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis la personne la plus chill au monde. Faites-moi pas de trouble, puis comme... laissez-moi tranquille, je fais mes affaires, je suis heureux. Faites les vôtres, tout le monde travaille, tout le monde est heureux, hein? Arrêtez de chercher des bébites. Et puis, tout va bien aller. Travaillons, soyons heureux, il fait beau. On peut être quatre regroupés maintenant, à deux mains, avec un masque. Fait que tout n'est pas perdu. Alors, merci beaucoup à tout le monde, merci à mes Patreons, et puis très apprécié. Écoutez Rétro Nouveau Report, et puis suivez ma page Facebook. Il y a plein d'affaires que je poste sur Facebook. Tu sais, j'ai terminé Avenging Spirit, j'ai terminé Wendy, comme des acquisitions des fois que je mets sur Facebook aussi. Bref, ma page Facebook est un peu un complément à mon podcast, je poste tout ce que je fais. Alors voilà, puis je salue aussi la microbrasserie Mutoid sur Hochelaga, très près de Retro MTL d'ailleurs. Une microbrasserie métal, à l'attitude métal, qui brasse des bières de soif quand même, des bières pas trop fortes. Alors, mais il faut aller sur place. Alors, si vous êtes dans le coin, encouragez-les. Allez vous chercher un petit cruchon, un petit verre. Les gars sont super chill. Et puis, je leur souhaite, comme tout le monde, que quand ils puissent rouvrir, ils vont partir en fou. Moi, j'ai bien hâte d'aller là-bas, me saouler la gueule. Et vas-tu l'avoir à la party quand la COVID va être finie? Ah, oh, j'en rêve. J'ai vraiment hâte. Bon, allez, je m'en vais travailler entre-temps. Allez travailler, vous autres aussi. Travaillez! Fait que, bye tout le monde. Merci d'avoir été là.